Chapitre 8. Un coup de théâtre. La nuit tombait lorsque le détective, toujours déguisé en cul-de-jatte, s'arrêta devant l'hôtel de l'avenue Victor Hugo. Lautrec ne s'était tracé aucun plan de campagne. Il allait à l'aventure, vers l'inconnu, vers le mystère, ne sachant pas ce que lui réservait le hasard. Mais prévoyant, comme toujours, il avait pris toutes ses précautions et était armé. Une heure avant, il avait appris que la comtesse était considérée comme une femme fort charitable et qu'elle recevait parfois, chez elle, des cul-de-jatte à qui elle faisait largement l'aumône. Lautrec attendait patiemment. Il ruminait et il allait prendre le parti de faire appel au concierge lorsque la porte s'ouvrit. Un laquais parut sur le seuil. « Madame la comtesse, » commença Lautrec. « Oui, » fit le laquais, comme s'adressant à un personnage connu. « Madame la comtesse est dans son boudoir. Elle vous attend. » Le domestique, d'un signe, engagea le faux cul-de-jatte à le suivre. C'était dans le vestibule de marbre un bruit bizarre que celui que faisaient les roulettes grinçantes du chariot, mais le laquais ne semblait pas s'en offusquer ni en rire. Il était sans doute accoutumé aux caprices de Madame la comtesse. Il poussa même la mansuétude jusqu'à aider l'infirme à pénétrer dans un boudoir parfumé, puis il se retira. 2 minutes après, la comtesse de Riva faisait son apparition. C'était une femme d'une grande beauté, aux traits réguliers, aux teintes de rose, qu'avivait la flamme enchanteresse de 2 yeux couleur d'onde. Le boudoir était plongé dans la pénombre. Dès l'entrée, cependant, elle aperçut le cul-de-jatte et alla à lui en disant « Quelle imprudence, César! Pourquoi prendre encore ce déguisement qui, d'un jour à l'autre, peut vous compromettre ?» Lautrec dut se faire violence pour étouffer le cri de triomphe qui lui montait aux lèvres. Du premier coup, la comtesse venait de déchirer un morceau du voile impénétrable qui enveloppait l'étrange affaire de l'antidérapant. « César !» s'était-elle écrié. César, c'était le prénom de son mari. Pourquoi encore ce déguisement? C'était donc le comte de Riva qui prenait la forme du cul-de-jatte. Mais il fallait que le détective répondît. Et parler, sans pouvoir imiter la voix inconnue du comte, c'était se démasquer. Lautrec employa un subterfuge. Sans mot dire, il tira d'une de ses poches le billet reçu le matin et le tendit à son interlocutrice. Celle-ci le prit et le parcourut du regard. « Mais, remarqua-t-elle, c'est le billet que j'avais confié à Jérôme il y a quelques jours déjà et qu'il n'aura pu, sans doute, vous remettre le jour même. Je n'ai plus revu mon frère depuis. Il s'agissait de l'affaire dont je vous ai entretenu jeudi. Et vous, avez-vous du nouveau ?» Lautrec se taisait, attendant quelques mots encore, les derniers mots révélateurs que put encore prononcer la comtesse avant qu'il ne fût démasqué. Mais la jeune femme n'ajouta qu'une phrase. « Mais parlez donc, je vous écoute !» À ce moment, un coup de sonnette retentit. On allait peut-être venir. Il fallait brusquer tout. « Le sort en soit jeté !» pensa Lautrec. Il se dressa et, repoussant du pied le chariot qu'il occupait quelques instants auparavant, il se dirigea, le revolver brandi vers la comtesse. Celle-ci poussa un cri d'effroi. « Pas un mot, madame, » dit Lautrec d'une voix calme. « Je suis inspecteur de la sûreté. Vous allez me révéler à l'instant ce qui se passe ici. » La comtesse reculait, interdite, effrayée, devant le canon menaçant du revolver. Puis, tout à coup, elle poussa un soupir de soulagement. Une tenture du boudoir venait de s'ouvrir. Sur le seuil se dressait, immobile, dans la pénombre, un homme à l'attitude hautaine. Lautrec dévisagea l'inconnu. Celui-ci le fixait d'un regard de feu, sans se départir d'un calme qui ne manquait pas de grandeur. La comtesse avait étendu les mains vers lui dans un geste d'imploration, en s'écriant « À moi, César !» Sans mot dire, le nouvel arrivant fit un geste qui n'échappa point au détective. Les deux hommes se défiaient dans un duel muet dont on ne pouvait prévoir l'issue. Puis, brusquement, Presque automatiquement, leurs bras s'élevèrent en même temps, leurs revolvers se menacèrent. Deux éclairs jaillirent, suivis d'une seule détonation. Lautrec s'effondra sur le parquet. L'inconnu fit un signe à la comtesse. Celle-ci sortit devant lui. Puis, les portes du boudoir furent fermées à l'extérieur. À ce moment, une pendule sonna. Il était 8 heures du soir et c'était le 13 septembre.